c'était 0-0 en septième manche lorsqu'après deux retraits, Larry Walker a obtenu un but sur balle et le frappeur suivant, c'était le Kid. Et la balle est frappée en direction du champ droit. Dawson a mal jugé la balle. Elle lui passe par-dessus la tête. Et voilà Walker qui arrive au troisième. Philomath, c'est 1-0. Gary Carter!